Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le 26e numéro du mag, un numéro qui sera comme d'habitude consacré à un tour d'horizon de l'actu des comics en VF et en VO, mais également de leurs adaptations au cinéma et à la télé. Comme chaque semaine depuis le début de la saison, nous aurons droit à la question de la semaine, mais aussi au fun fact de la semaine. Je suis Mathieu et vous allez écouter le numéro 25 du mag. Et c'était le 26. Bravo. Avec moi cette semaine, Clément et Arnaud. Salut. On va commencer, comme d'habitude, par l'actu télé. Et on va se débarrasser de Gotham d'entrée, comme ça ce sera fait. Pour vous dire que Paul Rubens, je ne sais pas comment le dire, incarnera en tout cas le père de. Merde, comment il s'appelle? Du pingouin Oswald Cobblepot dans la série donc Gotham. À noter qu'il a déjà joué le rôle du père du pingouin dans le film de Tim Burton en 1992, le film donc Batman Returns. Est-ce que cette nouvelle vous émeut? Joli clin d'œil, mais bon, Rien pour à le pingouin, on s'en fout. Mais joli clin d'œil, effectivement. Il porte un nom de personnage qui aurait dû évoquer quelque chose aux personnes avant de créer la série. Chris Vance va jouer le rôle de Non. Donc, si on avait pu dire ça à Supergirl avant qu'elle existe, ça serait pas mal. J'ai fallu que j'ai ramé pour celle-là, j'ai ramé, mais c'est bon, j'ai réussi à la sortir. Donc voilà, Chris Vance va jouer un vilain de l'univers DC, Non, dans la série avec Mélissa Benoist dans le rôle titre série qui démarre le 26 octobre sur CBS. Et qu'on n'a pas du tout encore vu. Non, non, non, non, pas du tout. Et on a hâte. Oh oui, on l'appelle au rage. Tellement. Allez Clément, tu veux enchaîner sur l'univers CW, on va dire, pour deux news? Oui, c'est ça. Bon, est-ce que c'est vraiment une surprise? Disons Non. Oh, un peu quand même. Non. bon, ouais, bah, disons que ça montre toujours la volonté de CW de vraiment créer un vrai lien entre ces différentes séries. Donc, ça a été annoncé cette semaine que le personnage Damian Dark, donc comment dire, le bad guy de la saison 4 de Arrow, sera aussi dans The Flash et Legends of Tomorrow. Donc, on peut penser que ce Damian Dark va sûrement avoir affaire avec, comment il s'appelle? Vandal Savage. Ouais, c'est annoncé. Oui, ça en plus. Ouais, après, du coup, il va venir un peu polluer les autres, Ça. Exactement. et on continue avec Arrow, et c'est décidément la semaine de la joie, là, pour commencer l'émission. Ah ouais, youpi. On avait entendu, je sais plus, ça fait plusieurs semaines que ça avait été annoncé, bon, plusieurs mois, je crois, que Constantine sera dans Arrow, donc Constantine, le Constantine qu'on a eu droit la saison dernière. Donc le synopsis de l'épisode avec Constantine a été dévoilé, donc ça sera l'épisode 5. Et c'est pas très surprenant. En gros, Oliver va contacter Constantine parce qu'évidemment, ils sont déjà amis, ils se connaissent déjà, et Genre. va le contacter. Ouais, genre, je suis bien d'accord. Il va le contacter pour comment dire faire face au problème suite au retour de qui? Bah, de Sarah Lance, évidemment. Donc, ça promet du spirituel comme il faut, mais ouais, ça. Ben, s'ils avaient pu en profiter pour lui demander de l'aide concernant justement celui dont on vient parler juste avant, Damian Dark, qui est un petit peu aussi dans l'esprit lié à Constantine, là on aurait fait d'une pierre deux coups et c'est bon. Hein. C'est ça. Mais là, ça vend pas du tout de rêve. Voilà, donc bah, les fans de Matt Ryan en Constantine seront contents de le retrouver en tout cas bah, d'ici 3 semaines maintenant, hein, ça arrive vite. Puisque c'est dans l'épisode 5, c'est ça? Oui, dans C'est 2 semaines. ça. Oui, c'est vrai, puisque on aura le 3 cette semaine déjà. Mon Dieu. Ouais, mon Dieu, comme tu dis. Alors, c'est l'annonce qui a fait le plus de bruit et qui a fait courir le plus de rumeurs cette semaine, Arnaud, et ça se passe du côté de la Fox. Et de Marvel, Aussi. puisque comment, La Fox a annoncé avoir conclu un partenariat avec Marvel pour développer deux séries dans l'univers des X-Men. Bon, en tout cas, deux séries tirées des X-Men, puisqu'on ne sait pas si ça se passera dans le même univers que les films. Et donc, c'est sur les deux chaînes de la Fox, donc le Network Fox et la chaîne câblée FX. Et donc, pour Fox, ce sera. Alors que je ne me trompe pas, que je ne confonde pas les deux. Pour Fox, ce sera Hellfire, hein, sur le groupe de mutants, le Hellfire Club. Et donc, ça se passe dans la fin des années 60. Et un agent spécial découvre une femme avec de grands pouvoirs, qui a une soif de pouvoir, hein, et qui a des pouvoirs. Hein, et elle dirige une société clandestine de millionnaires, hein, qui veulent prendre le contrôle du monde. Et ce groupe s'appelle le Hellfire Club. Et pour la chaîne câblée FX, hein, ce sera Legend, écrit par Noah Hawley. Noah Hawley, qui écrit déjà Fargo pour la chaîne, donc une très très bonne série. Donc ça annonce du bon. Et donc c'est l'histoire de David Ayler, hein, connu dans les comics pour être le fils de Professeur X. Oui. Mais là, il n'en est pas fait mention, donc ce sera peut-être pas le cas. Et donc depuis toute son enfance, David est atteint de maladie mentale. Il a été diagnostiqué de schizophrénie. Et donc il fait des allers-retours en hôpital psychiatrique. Et un jour, il se demande si est-ce que les voix qu'il entend dans sa tête et les visions qu'il voit ne seraient pas réelles. Donc est-ce qu'il est fou ou est-ce qu'il a des pouvoirs? Ce sera le sujet de la série. Et justement, Noah Hawley, dur son nom à dire. Il a fait une interview et il a parlé un petit peu de la série. Bon, il n'a pas annoncé grand-chose d'extravagant, mais on lui a demandé si jamais, comme le MCU, si la série serait connectée à l'univers des X-Men, à l'univers ciné des X-Men, si le film fera partie du même univers, si la série fera partie du même univers que les films, pardon. Et il a répondu non. Enfin, il a dit, moi je l'ai pas conçu comme ça, mais en gros, si la Fox le veut, ce sera le cas. Donc ça nous avance pas vraiment, mais il a dit avoir imaginé son propre univers indépendant. Et pour conclure, tu disais qu'il y a eu plein de rumeurs à cause de ça. Une en particulier, c'est qu'on sait que Marvel et la Fox s'entendent pas super bien. On se souvient que Marvel a quand même buté tout le casting de Fantastic Four dans les pages de comics. Et donc on se disait, tout le monde a pensé que si la Fox avait le droit de faire des séries télé des X-Men, c'est qu'il y avait eu une sorte d'arrangement entre les deux studios, et du coup tout le monde a pensé que à cause de l'échec des Fantastic Four au ciné, la Fox avait redonné les droits de l'équipe à Marvel contre le droit de faire des séries X-Men. Et que un des trois films de 2020 annoncés, il y a une semaine, était Les Fantastic Four. Sauf que c'était une belle rumeur, tout le monde commençait à s'extasier, C'est ou clair. commençait à pleurer pour ceux qui disaient vraiment pas une troisième adaptation, quatrième adaptation plutôt. Et finalement, la Fox a annoncé dans un communiqué officiel, donc c'est pas une rumeur, a annoncé dans un communiqué officiel qu'ils avaient toujours les droits des Fantastic Four et que ça ne faisait pas partie du deal. C'était juste vraiment mis d'accord avec Marvel pour adapter ces séries. D'autant plus, on a déjà entendu parler, puisque je me souviens, ils avaient annoncé au mois de juillet ou août, je sais plus, août, début août, il me semble, quand c'était les TCA, je crois que c'était début août, qu'ils avaient annoncé que la Fox était en train de plancher sur une série X-Men. Donc ça remonte à très loin, ce projet. Donc c'était assez étonnant que Fantastic Four fasse partie du deal, même si ça a peut-être pu accélérer le truc. Mais en tout cas, officiellement, les Fantastic Four appartiennent toujours à la Fox. D'accord, donc on aura droit à la peste, deux séries par ceux qui nous auront communié Days of Future Past, et le choléra, puisqu'ils vont garder Fantastic Four. Je ne sais pas quel est le deal, enfin voilà, je ne sais pas qu'est-ce que Marvel a gagné dans l'histoire, mais. Bah, juste de l'argent, puisque alors ils ont annoncé pour Hellfire que c'était entièrement la Fox qui dépensait, enfin qui mettait l'argent pour le budget. Pour Legend, c'était pas précisé dans le communiqué de presse, mais en tout cas pour Hellfire, Marvel récupère juste le pognon. Ouais. Bah, en gros, il faut qu'il récupère quelque chose. Oui. Bon, après, peut-être qu'ils veulent laisser la Fox faire la grosse merde et puis un jour dire coucou, bah vous faites de la merde, bah non, bah, on va se positionner en sauveur comme Friday, on va récupérer les droits et on va faire un truc potable. Ils veulent peut-être ça aussi. Ils ont vu les deux échecs de Fantastic Four, ils en veulent peut-être pas des droits. Ouais, ma Ouais, foi. je sais pas. De toute manière, c'est un peu. Manière, voilà, c'est la Fox, donc on s'en fout. Mais la suite des Fantastic Four est toujours prévue officiellement. Ah bah oui, bah Okay. c'est sûr, puisqu'ils ont toujours Pour les droits. combien de temps? Allez, on va quitter le côté obscur. Agents of Shield, Marvel nous a annoncé que Powers Booth allait rejoindre le casting de la série. Et Powers Booth, on l'a déjà vu dans le film Avengers, puisqu'il faisait partie du fameux World Security Council, le fameux Conseil de sécurité mondial. Les mecs qui étaient sur l'écran et qui parlaient à Nick Fury, c'était une de ses têtes dans l'ombre, c'était Powers Booth. Donc on ne sait pas s'il reprend son rôle d'Avengers, mais bon, vu la cohérence du Marvel Universe, on peut se douter que si. On sait juste que c'est quelqu'un de très influent, que même Grant Ward craint. Voilà ce que nous dit Jeff Lubb. On ne connaît pas de quel côté il est pour le moment, rien ne nous a été dit. Voilà, ça, le côté duquel penche sa loyauté est encore un mystère. Donc voilà, pour le moment, on sait juste que cet acteur va rejoindre le casting d'Agents of S.H.I.E.L.D. pour a priori plusieurs apparitions, et que ça a l'air d'être quelqu'un de plutôt puissant, donc il doit tirer quelques ficelles dans l'ombre. Hack and Slash, comics d'horreur, va être développé, enfin est en développement en tout cas, pour devenir une série télé. Hack and Slash, c'est un comics créé par Tim Seeley et Stefano Caselli, qui se centre sur une jeune fille qui s'appelle Cassie Hack, et qui est en fait la jeune fille cliché qui survit à la fin de tous les films d'horreur, la blondasse un peu coconne, mais qui arrive quand même à s'en sortir. Sauf que elle, après la fin de ce fameux film, elle va devenir une tueuse de tueurs en série. Donc voilà le concept un petit peu du comics Hack and Slash, qui va a priori donc devenir une série. En tout cas, c'est en développement, on n'en sait pas trop trop pour le moment concernant le projet. Voilà. Voilà qui conclut la partie actu télé. On va passer au trivia de la semaine. Et alors, je vais, messieurs, vous montrer une photo. Et vous allez me dire si vous reconnaissez cette personne. Ok. Ah, Ah, je sais pas. c'était trop rapide. Trop rapide. Vous la voyez plus là? Non. Non. Ah, c'est dommage. Ah là Ah, oui. si, c'est bon. Ah bah c'est Aquaman. Oui, c'est Aquaman. C'est C'est Smallville. Aquaman de Smallville, exactement, Ouais. interprété par Alan Ritchson, qui est apparu plusieurs fois dans la série entre les saisons 5 et 10. Et donc le fun fact de la semaine porte là-dessus. Après cette fameuse apparence d'Aquaman dans la série Smallville, je sais pas pourquoi. Les créateurs se sont dit qu'il méritait sa propre série. Oui, Ah le oui, pilote ça a c'est. leaké Il y a en même eu un plus. pilote Ah de oui. filmé qui a leaké avec Justin Hartley Absolument. en guest star. Heureusement, la série n'a jamais vu le jour, mais on a quand même revu Justin Hartley dans l'univers DC télé, puisqu'il est revenu après et non content d'avoir fait un Aquaman, comment dire, original. C'est lui qui nous a proposé Oliver Queen Green Arrow dans Smallville. Donc c'est quand même Justin Hartley, la personne qui a incarné Aquaman et Green Arrow pour la Warner en fait. Et on va s'en rappeler de ces deux-là. Enfin, incarner, c'est plutôt commettre. Oui, et puis quand on voit le costume de l'Aquaman de la version Oui, c'est un peu Smallville, meilleur. Pas trop cher. qui n'était pas Hartley, hein, qui était Alan Ritchson, mais alors quel costume! Et le costume Un de Green Arrow aussi. costume en caouet. Ouais, c'est un Orange costume. fluo. Voilà. Green Arrow aussi, Alors, c'est petit fun chaud. fact, pas forcément inconnu pour les fans, mais simplement pour saluer la mémoire de Smallville qui avait démarré il y a pile 14 ans cette semaine. Ah ouais? Ah ouais? 14 ans. C'est Ah la vache! le 14 ou le 16 octobre, je ne sais plus, en 2001. Oh, ça date! Ça remonte. Voilà. Joyeux anniversaire, Smallville, et ne reviens pas. Je suis bien On n'est d'accord. pas à l'abri de Tom Welling en Superman dans Arrow ou je ne sais quoi. Non, merci, merci. Non, non, non, non, non, non, plus. Non. Avec une belle cape en CGI. Non, non, non, plus jamais. De toute manière, la saison 10 et 9 n'a jamais existé. C'est ça. De toute façon, Superman est déjà dans Arrow, donc voilà. Actu Comics VF maintenant pour passer à autre chose. Énormément d'annonces de sortie cette semaine. Alors je sais pas pourquoi les deux Urban et Panini se sont fait une petite guéguerre là. Ils ont annoncé chacun une palanquée de titres. Arnaud, tu vas commencer et nous dire tout ce que nous a annoncé Panini. Donc ça c'est pour 2016 tout ça. Ouais, alors pour janvier déjà, commencer par le commencement, en janvier on aura plein de nouveaux tomes de la gamme Marvel Now. Donc d'abord Uncanny X-Men tome 3, Avengers tome 5, en 100% Marvel on aura le troisième et dernier tome de Black Widow et le troisième et dernier tome de Empire of the Dead. Et ensuite toujours pour janvier, je vais peut-être réagir. Non, bof, non. Vu ce qui est annoncé, non, c'est pas nécessaire. Et Uncanny pour X-Men janvier, Avengers à la rigueur, mais le reste. ils ont aussi annoncé, comme ils disent, une double dose du titan fou. Forcément, Thanos aussi, il faut mettre l'accent dessus. Donc, pour janvier, il y aura le graphic novel Thanos The Infinity Relativity de Jim Starlin. Et en Marvel Dark, il y aura l'ascension de Thanos de Jason Aaron et Simon Bianchi. Et pour mars, ils vont rééditer dans le Marvel Gold la croisade de l'infini. Voilà. Donc juste là, petite leçon à retenir, quand des hors-séries avec des sagas complètes partent en kiosque, achetez-les en kiosque à 5 euros puisqu'elles ressortent après. L'ascension de Thanos en Marvel Dark, 5,60 € il y a 4 ou 5 mois en kiosque. Et pareil pour tous les Deadpool versus machin là, qui ressortent dans des gammes librairies. Voilà, donc vous seriez bien avisé d'acheter ces genres de séries-là au moment où elles sortent en kiosque, vous les paierez à peu près 3 fois moins cher. À peu près, surtout en Marvel Gold, je connais pas les prix, mais. Marvel Dark, ça sera l'ascension de Thanos, donc c'est autour de 15 Mais ans. Et le Marvel Marvel Gold, Gold. c'est la collection souple qui réédite un peu comme les Marvel Select, mais pour les titres un peu plus vieux, donc c'est 17 euros à peu près. Oh, ça va. Et puis on continue avec les annonces 2016 pour Panini, et cette fois pour l'univers Ultimate. Oui, alors là, pas d'annonce, mais ils ont annoncé 3 Deluxe. Ultimate Avengers, tome 3 de Mark Millar en janvier. En février, Ultimate Daredevil et Elektra de Mike Carey, Greg Rucka et Salvador Larroca. Et pour le mois de mars, c'est les Ultimates par l'équipe de Secret Wars, donc Hickman et Rybick. Et ils n'ont pas donné de nom, mais ils ont annoncé 4 autres nouveaux albums de l'univers Ultimate pour le reste de l'année. Voilà. De Ultimate grosses, Daredevil grosses Electra, on se annonces. demande pourquoi. Surtout au mois de février. Non mais c'est ça. Donc, bah écoutez, rigueur, hein, tant mieux, hein. Autant en profiter. De souvenirs, c'est pas mal. Mais vraiment de souvenirs lointains. Et puis après, tout au long de la semaine, à peu près à raison de 3 sorties par jour, Urban nous a annoncé son planning de février et mars. Alors Clément, tu vas commencer par nous annoncer 4 titres de l'univers DC, dont Ouais. un événement quand même. Oui, un événement, et c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, comme par hasard, Urban réédite The Dark Knight Strikes Again en mars. Donc, de mémoire, il l'avait édité, je crois, il y a 1 an et demi, 2 ans. Ouais, avec Blu-ray et DVD, et là du coup ils Ouais, c'est ça. ressortent sans Blu-ray et DVD. Sans Blu-ray DVD. Et dans la foulée, bah, qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Et là, c'est plutôt une surprise parce que c'est même pas encore commencé aux États-Unis. Ils ont annoncé The Dark Knight 3 Master Race tome 1. Donc, c'est plutôt comment dire, quelque chose de très anticipé. C'est Et ça. donc, Bah, très anticipé, donc en ça gros, c'est les sortira. épisodes de décembre-janvier qui vont sortir 2 mois plus C'est tard. ça. Ça sortira le 4 mars. Donc, la moindre chose qu'on. Je vais dire, ah, j'ai du mal ce soir. Donc, on peut dire que Urban fait dans le très rapide. Et c'est impressionnant. Traduction, impression, édition, tout ça, dans les 2 mois, c'est pas mal. Bah, comme Panini à faire pour Star Wars Shattered Empire. Ouais, c'est ça, mais ça reste. Enfin, je m'attendais pas honnêtement Bah, c'est un à bon voir moyen une sortie. de court-circuiter la sortie VO, parce que Ouais. parmi les lecteurs vraiment fans hardcore, pas mal vont se l'acheter en VO. Ouais. On sait qu'il va y avoir les Deluxe Edition qui vont coûter assez cher, $12 par issue, pour des formats un peu luxueux. Là, c'est voilà, ils vont sortir les 2 premiers numéros en hardcover. Avec les 2 histoires, on sait qu'il y a 2 histoires par numéro. Il y a une histoire en format normal, une petite histoire en format réduit dans chaque numéro. Et là, les deux vont être proposés à la taille normale, comme les versions Deluxe qui sortent en VO. Ouais. Du coup, c'est un bon moyen, je trouve, de court-circuiter ça. Ah bah oui, complètement. Donc, du coup, ça veut dire qu'on aura Master Race en 4 parties. C'est ça. Donc, c'est plutôt une très bonne surprise. Donc, dans le plus connu et dans, on va dire la suite d'une publication Urban a annoncé la suite de Geoff Johns Island Green Lantern, donc le tome 7, donc qui sortira le 26 février 2016, toujours dans la collection des signatures. Et donc là, ça va concerner essentiellement la première apparition de l'Avarice. Donc le corps de l'Avarice. C'est ça, C'est pas. Enfin, le fameux corps orange. c'est ça, le corps orange. Et puis pour terminer, enfin pour ce début en tout cas, du Superman. C'est ça, donc Superman Doomed, donc annoncé pour le 12 février. Donc là, ça contiendra les Superman 30, 31, Action Comics 31, 35, Action Comics Annual 3, Superman Wonder Woman numéro 8 au 12, plus l'annuel, Supergirl, Batman, Superman, et le reste dont j'ai la peine de dire, en gros, beaucoup de pages à Ouais, lire. c'est assez énorme, ça va reprendre C'est le ça. contenu, je crois, de quatre magazines complets. Ouais, je crois. Mais je crois que c'était pas un crossover, ça? Si, c'est un gros crossover dans Ouais, l'univers Batman gros qui était crossover. sorti cette année en kiosque Ouais, c'est ça. au printemps, je crois, et que j'avais adoré. Ah ouais? Je trouve que c'est le meilleur truc sur Superman que j'ai lu depuis déjà New 52, ça c'est sûr, puis même depuis un bon bout de temps avant. Donc, ah non, vraiment, c'était excellent. Donc, du coup, une version complète avec tous les numéros dans un bon gros volume à 35 euros. Pourquoi pas, pour ceux qui l'auraient raté en kiosque, Ouais. pourquoi pas. Et alors, qu'est-ce qu'on va avoir droit? Qu'est-ce qu'on va avoir droit? Ça, c'est la bonne France du terroir, voyez. Est-ce qu'on va avoir droit? Eh ben, on va avoir droit à Wonder Woman anthologie, enfin, bordel, enfin, déjà une nouvelle anthologie, ça faisait super longtemps qu'on n'en avait pas eu. Et puis enfin, Wonder Woman a droit à la sienne. Batman et Superman, y avait eu droit depuis très longtemps. Ça y est, la Trinité sera complète. Wonder Woman a son anthologie, qui sortira le 11 mars 2016 pour le prix évidemment de 25 euros et qui sortira également à quai du film Batman v Superman: Dawn of Justice. Donc on aura droit évidemment aux plus grandes histoires liées à l'Amazon, de Wonder Woman 1 des années 40 jusqu'à des comics de 2015, puisqu'on aura des Sensation Comics featuring Wonder Woman numéro 1 et 7 qui datent donc de cette année. Donc on aura énormément de trucs, comme d'habitude, hein, une anthologie urbaine pour ceux qui veulent découvrir le personnage ou même en savoir un peu plus sur le background et tout ça, tout ce qui se passait. Non seulement dans l'histoire du personnage, mais aussi dans l'histoire en général à la période de ces comics. Voilà, c'est un bon bouquin que évidemment on vous recommande. Et puis on aura droit également en février, cette fois le 5 février, un bouquin de 344 pages pour 28 euros qui est le troisième volume de Paul Dini présente Batman et qui reprendra des épisodes de Batman Streets of Gotham qui ont été donc scénarisés par Paul Dini. Donc ça c'est pour l'univers DC, il y en a encore deux, on a encore quelques univers DC. Clément, tu vas nous parler du premier. Ouais, donc c'est la suite de la publication de Batman et Robin, donc le tome 4. Donc le tome 4 qui est déjà sorti, qui est sorti en France en format kiosque. Donc là, ça va reprendre tout l'arc qui porte sur comment Batman va faire face au deuil de la face à la mort de, pardon, de son fils. Voilà. Donc bah voilà, ceux qui ont lu en BO, ça c'est une vraie pépite. Ceux qui l'ont lu en VF, ça aussi. Donc je pense qu'on peut foncer les yeux fermés parce que c'est indéniablement l'une des meilleures parties du run de Thomas sur Batman et Robin, avec, je crois, de toute manière, le numéro, le chef-d'œuvre, Le Requiem est dedans, oui. le Requiem. Donc c'est le chef-d'œuvre, le De chef-d'œuvre l'année absolu. 2013, je crois. Ouais, de l'année 2013, je me souviens que toi et moi, on avait été. 2013 ou 2014, je sais plus, Ouais. mais oui, c'est 2013. On avait été subjugué rien que pour ce numéro, c'est une prouesse, c'est la puissance des images sans mots, c'est dingue. Franchement, l'espace, celui-là, c'est. Ouais, non, rien pour ça, il faut le lire. Ah bah tu m'offres une belle transition en parlant de puissance des images. Puisqu'on le sait, Superman Unchained va sortir en février chez Human pour 28 euros et va également sortir le même jour en version noir et blanc pour un petit peu plus cher, 35 euros, mais c'est les versions noir et blanc luxueuses que nous sort Urban habituellement, j'imagine. Donc du coup, pour vous extasier devant les dessins ancrés sans couleur de Jim Lee, ça peut être effectivement un bon argument, et je trouve que c'est assez intelligent de le sortir le même jour dans les deux versions. Comme ça, voilà, on peut choisir, voilà, on peut feuilleter les deux. On se fait pas avoir en achetant d'abord Superman Unchained et en se disant 3-6 mois après il va ressortir en noir et blanc. Là, on a le choix tout de suite. Et je trouve ça plutôt réglo. Ils auraient pu le ressortir hein, quelques mois après, et puis bah, les cons qui l'avaient acheté la première fois le réachètent parce que ils veulent une édition un peu luxueuse, un peu un bel artbook, et voilà. Donc là, on peut le faire directement. Et il nous reste deux titres dans l'univers DC avant de boucler cette partie des sorties urbaines, et c'est toi, Arnaud, qui nous les présente. Oui, alors pour commencer, il y a un deuxième film DC qui sort cette année, c'est Suicide Squad. Donc forcément, ils vont mettre un peu l'accent dessus. C'est pour ça qu'ils ont commencé à sortir la série Harley Quinn, dont le tome 2 va sortir le 12 février 2016. Et donc on aura les épisodes 9 à 12 d'Harley Quinn, plus l'annual 1 et le Harley Quinn Invades Comic Con International San Diego numéro 1. Et donc ça continue toujours la folie du personnage dans un quotidien assez effréné. Et elle va faire la rencontre de Power Girl, la super-héroïne kryptonienne qui est amnésique. Et du coup elle va devenir la coéquipière d'Harley Quinn pour un duo de choc. Quand même, Harley Quinn, Power Girl, un duo assez de choc. Et le deuxième tome qui sortira quelques jours plus tard, c'est donc le 19 février, c'est le troisième tome de Future's End, avec les épisodes 24 à 35. Donc c'est cette série qui se passe 35 ans dans le futur, où Terry McGinnis, donc le Batman Beyond, et l'un des derniers espoirs pour sauver l'humanité. Sauf que, pas de chance, il arrive 5 ans trop tard. Ouais. Alors voilà, bonne palanquée de sorties du côté de l'univers DC. On va retenir juste quelques-uns. Dark Knight, évidemment, l'anthologie Wonder Woman, et puis peut-être le Superman Unchained en noir et blanc. Ouais. Avec une option sur Batman and Robin. Ouais, voilà. Du côté indé, un événement, hein, Clément? Ouais, un événement, parce que c'est enfin la sortie après près d'un an. Ouais, je crois que ça avait commencé février-mars aux États-Unis. Donc, enfin, Descender va être édité en France. Donc, ce sera le tome 1 qui va regrouper le premier volume, donc des chapitres 1 à 6. Ça va sortir le 29 janvier 2016. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Urban Comics fait un court synopsis. Donc, c'est dit, la galaxie se remet péniblement du traumatisme causé par l'apparition il y a 10 ans des révolteurs, des robots de la taille d'une planète qui préfigurèrent la révolte des machines contre les hommes. C'est dans cet univers en pleine reconstruction qui a depuis appris à haïr le genre mécanique que s'éveille Team 21. Et donc ce Team 21 va refermer un tas de secrets. Voilà. Voilà, en gros, et je l'ai déjà dit, je vais le redire, foncez, c'est une vraie pépite, c'est très intelligent, les dessins sont somptueux, c'est vraiment, je crois que c'était l'une de mes plus grosses claques cette année. Ça a mis du temps à s'installer, mais une fois que ça s'installe, c'est hyper prometteur pour la suite. Donc j'ai hâte que le volume 2 commence aux États-Unis. Donc je sais pas si toi, Mathieu, t'as enfin rattrapé. Oui, j'ai fini, je suis rattrapé, pas de soucis. C'est très bien. Et puis à souligner que chez Urban, ça ne vous coûtera que 10€ pour ce tome 1. C'est ça, donc foncez. Voilà. Rapport qualité-prix, c'est génial. Moi je sais, je vais l'acheter. Ben oui. Ouais, tu m'étonnes, il faut. C'est ça. Sinon, c'est Iron Fist qui viendra se charger. Deuxième tome 1 d'une série indé, d'une série Image chez Urban Comics, c'est Low, le tome 1 qui sortira le 12 février, 176 pages, les 6 premiers numéros, toujours pour 10€, c'est la tradition maintenant chez Urban. Une série qui se passe dans un futur lointain où l'humanité a été obligée de se réfugier dans les fosses sous-marines à cause des rayons destructeurs du soleil en fin de vie et qui du coup... était impossible à supporter pour l'humanité, donc l'humanité s'est réfugiée dans les fonds sous-marins et a envoyé des sondes dans l'espace un peu pour essayer de coloniser des nouveaux mondes et ainsi pérenniser l'humanité. Un jour, une de ces sondes va s'écraser sur la Terre, sauf qu'elle sera peuplée d'une race extraterrestre inconnue. Donc, un récit de survie. N'est-ce pas? On aura droit au troisième tome de Garcenis présente Hellblazer, 544 pages. Pour 28€. Ah oui, c'est des gros bouquins, ceux-là. la série événement des Star Wars qui a été récompensée de plusieurs prix en 2015 à San Diego, notamment en meilleure série jeunesse, Lumberjanes arrive pour son tome 1 le 19 février 2016 pour donc 14 €. On aura également droit au tome 6 de The Six Gun, une de mes séries fétiches, un tome assez gros, ce qui fera 304 pages pour 28 €, c'est à peu près le double de ce qu'ils font d'habitude. Et puis on aura droit également à un beau livre, comme Urban en sort quelquefois, c'est The Art of Painted Comics. C'est tout simplement l'histoire des comic books, mais version peinte, c'est-à-dire tous ces artistes de comics comme Alex Ross par exemple, Bill Sienkiewicz, Frank Frazetta, qui sont des artistes de comics mais en peinture. Et donc du coup, ça va être un bouquin qui va retracer un petit peu ces grands noms-là et les grandes planches qu'on a pu avoir dans ce style-là. Donc c'est dans la gamme Urban Books, 392 pages pour 39 €, et c'est le 19 février que cela va sortir. Voilà, qui nous amène à la fin de cette partie VF, partie très catalogue. Pas de questions cette semaine suite à un bug. Nous voici donc au pays du café Jacques Vabre, simplement. Pas de question de la semaine, je vous le disais, suite à un bug du module de vote. Tout simplement, comme un gros sac, j'ai programmé le début du vote pour la question au 14 décembre, au lieu du 14 octobre. Donc voilà. Bravo, bravo. Donc, on applaudit Mathieu. La semaine, c'est con, puisque je vous demandais votre note sur le premier épisode de The Walking Dead. Ça aurait pu être intéressant en vue de l'émission de jeudi. Tant pis. Actu ciné, on va terminer. Allez, rapide, hein, on va accélérer un petit peu. Arnaud, Batman Bad Blood. Oui, alors c'est le prochain film d'animation de l'univers DC qui sortira l'année prochaine, pas encore de date. On a eu un premier trailer, donc le film, donc, pour rappel, c'est l'histoire de Bruce Wayne qui a disparu. Donc Nightwing et Robin patrouillent Gotham à sa place. Et c'est l'arrivée d'une nouvelle super-héroïne qui va enquêter sur la disparition de Batman. Et cette super-héroïne, c'est autre que Batwoman, ma Batwoman préférée, qui débarque dans l'univers DC, enfin, j'ai envie de dire. Et je sais pas si t'as vu le trailer, je l'ai vu, ça a l'air plutôt sympa. Et là, il y a eu une surprise dans le trailer, un personnage qu'on voit qui n'avait pas été annoncé, c'est l'arrivée de Batwing. Ah si, il avait annoncé. Ah, il avait annoncé ? Oui, moi je l'avais vu. En tout cas, il n'est pas présent dans le synopsis. Son nom civil est peut-être présent, je sais pas, mais en tout cas oui, Batwing, c'est pas une surprise pour moi en tout cas. Rapidement, sachez que Lionsgate prépare une adaptation en film de Z-Men, Z-Men pour ceux qui ont du mal avec un glissisme, qui va tout simplement étendre l'univers de Living Dead voilà, au cinéma, donc on s'en fout. Bon, voilà. Plus ou moins. Par contre, on se fout moins de Kingsman, The Secret Service numéro 2, qui a été annoncé et confirmé. Et on sait maintenant que le tournage va commencer au mois d'avril 2016, avec évidemment le retour de Taron Egerton dans le rôle principal. Yeah. Et alors, l'infirmière de nuit qui rejoint la Bat-Family, Arnaud, pour terminer. Alors, en réalité, elle ne rejoint pas la Bat-Family. Donc oui, Rosario Dawson, qui est bien connue comme Claire Temple dans Daredevil, hein, qui reprendra son rôle dans Jessica Jones, a été choisie pour doubler le personnage de Batgirl dans le film Lego Batman, qui est prévu pour février 2017. Sauf que c'est pas la première fois qu'elle double un personnage de DC Comics, puisqu'elle avait doublé Wonder Woman dans Justice League, le trône d'Atlantis. Et qu'elle avait aussi doublé une autre Amazon, c'est Artemis, dans le film d'animation Wonder Woman. Ok. Donc de Marvel à DC. Voilà, comme souvent. Enfin, c'est plutôt l'inverse, en général. Oui, enfin, elle revient, finalement. Oui, elle revient. C'est-à-dire que sa voix appartient à DC, alors que le reste, son incarnation, on va dire, son corps, appartient à Marvel. Attention. Oui, oh bon, écoute... Prenons des risques. L'actu Comics VO, pour terminer, quelques annonces. The Legend of Wonder Woman, bah tiens, justement, chez DC Comics pour 2016, tout simplement, ça va être une série en Digital First, donc qui devrait sortir a priori toutes les semaines, 99 centimes l'épisode comme d'habitude, donc qui va revenir sur les origines de Wonder Woman. Décidément, les origines de Wonder Woman, on va y avoir droit beaucoup en 2016. Youpi. Alex Ross est un grand artiste, on le sait. Il fait plusieurs grandes et magnifiques couvertures, notamment en ce moment dans les All New, All Different Marvel. Il se charge des couvertures de Spider-Man et de All New, All Different Avengers. Et puis, on a eu cette semaine, alors que le numéro 1 n'est même pas sorti, la couverture du numéro 4 qui a été dévoilée. Couverture très belle, enfin voilà, le style d'Alex Ross peint tout ça, sauf que c'est une couverture hyper spoilante qui montre un baiser entre deux personnages dont on ne vous révélera pas l'identité ici, parce que c'est pas l'objectif de vous spoiler, mais voilà, sachez que si vous avez Même moyen d'éviter, surprenant. si oui, plutôt surprenant, ouais, si vous avez moyen d'éviter cette couverture, voilà, faites attention, il y a un gros gros spoil potentiel sur la couverture d'Alex Ross pour le All New, All Different Avengers numéro 4. Arnaud, on a dit récemment que Bill Finger avait enfin justice, qu'il allait être crédité dans Gotham, dans plusieurs choses, dans Batman v Superman, et qu'il est maintenant crédité aussi dans les comics. Et c'est Bob Kane qu'on va récompenser. Oui, il va avoir. Ça arrivera peut-être plus tard pour Bill Finger, mais en tout cas, Bob Kane aura le droit à son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Et donc, il aura le droit à ça cette semaine, donc mercredi 21 octobre. Il aura le droit à une petite cérémonie sur le Hollywood Boulevard pour avoir son étoile en présence de, bien sûr, Zack Snyder et de Jim Lee, qui co-éditeur chez DC Entertainment. Et justement, ils en ont profité pour annoncer que Jim Lee, comme il va chez DC, il allait recevoir le Guinness Book, le record du Guinness Book pour Batman, qui est le personnage à avoir été le plus de fois adapté au cinéma. D'accord. En même temps, si tu comptes le film dans les années 60, Oui, non, mais il y en a beaucoup. les 4 des années 90, les 3 de Christopher Nolan plus Batman vs Superman, c'est pas mal. Ok, et Clément, Deadpool arrive au cinéma en 2007, et du coup, en fait, Marvel, ils choisissent un peu à qui ils font la guerre. C'est un peu ça, ouais. Parce que là, pour le coup, visiblement, Marvel compte bien en profiter. Et donc, ils ont annoncé à travers donc un titre qui en fait regroupera des anciennes histoires de Deadpool, donc True Believers, donc des titres à 1 $. Donc, on va regrouper on peut dire ça, les plus grandes histoires de Deadpool. Donc, on trouve par exemple, je sais pas comment ça s'appelle ça. Quoi, je comprends pas trop. Deadpool One, donc une réimpression de New Mutants 98. Oui, c'était la première apparition, Ouais, donc c'est ça. ils vont l'appeler True Believers Deadpool numéro 1, parce que du coup, D'accord, ok. Ouais, enfin bref, il y c'est un aura très plein de bon nom. numéros, il y a 10 numéros qui ont marqué l'histoire du personnage, dont celui de son mariage, voilà, qui va être édité pour 1 $. Oui, Donc ils voilà. appellent ça Deadpool numéro 1, mais en réalité, c'est autre chose qui. Par exemple, ils réimpriment Deadpool Origins 1, Et mais en en fait, fait, c'est c'est Wolverine Wolverine. Origins 25. Et Ok. pour attirer le client, ils appellent ça Deadpool Origins, Ouais. Détective Deadpool, etc. Donc, bah c'est cool. Ouais, c'est plutôt cool, mais bon, du coup, voilà, encore une fois, on choisit bien à qui on fait la guerre. C'est ça. Et puis, dernière news, Comics VO, what the fuck. On sait que DC aime bien faire des thèmes pour ses variants de cover chaque mois. On sait que en 2016, on aura droit à un thème un peu particulier en janvier 2016, puisqu'on aura des couvertures à colorier. Normal. Voilà. Donc, ce seront des couvertures en noir et blanc normales où voilà, chacun pourra colorer soi-même ses personnages préférés. Donc, on aura droit à ça sur la couverture de Cyborg 7, Martian Manhunter, Robin, Son of Batman, Starfire et aussi sur Superman Wonder Woman numéro 25. Donc, voilà, vous aurez droit à 5 couvertures Elles seront plus chères. cahiers de coloriage. Oh, non, je pense pas. Non, non. Donc elles ont été diffusées par Marvel, évidemment, à la foulée. On a eu les visuels. Bon, bah voilà, c'est cahier de Par coloriage, d'ici. quoi. Oui, par DC, ouais, c'est vrai. Un jour, tout appartiendra au même, de toute façon. Tout appartiendra à Disney un jour, même la Terre appartiendra à Disney. Exactement. Allez, il est temps de terminer ce mag qui aurait été encore une fois un petit peu plus long, moins long que la semaine dernière, hein, cela dit. On se retrouve jeudi pour le sur nos écrans numéro 26 où on vous fera le bilan de Fear the Walking Dead pour la saison 1 et où on vous fera également un petit débrief de l'épisode de retour de The Walking Dead. Et quelque chose me dit que ça va saigner. On se retrouve lundi sur YouTube pour la sélection VF et mardi prochain pour le mag numéro 27. D'ici là, bonne semaine. Salut. Salut.